que t'as fait aujourd'hui à l'école? Je fais un dessin. Pour qui? Pour maman. Laïla, en 80, a vu la lumière, elle fait ses premiers pas. Innocente, un vrai petit amour, sereine. Elle affronte cette vie sans pression, un père et une mère, fidèles aux traditions. Sous leur toit, on marche droit et ses yeux reflétaient la joie. 85, Laïla est une petite fille gâtée, surveillée par ses grands frères, interdit de tout rater. La vie suit son cours et maman tombe malade du cœur. Un ange part au ciel, on lui explique que c'était son heure. Laïla grandit, le père est fier de sa petite. Première de la classe, bonne élève en cours coranique. Elle rentre tôt parce que dehors la nuit c'est hoche. Regarde par la fenêtre les jeunes qui fument sous les porches. À 16 ans, Laïla découvre son premier amour. Elle marche avec le sourire, le croise tous les jours en cours. L'époque de l'innocence, quand elle rougit à son premier smack. Laïla est vierge et la plupart des copines se moquent. De l'amour en stock, une petite femme la peau bronzée. Premier couplet, Laïla semble être une fille comblée. Fille comblée, fille comblée. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Un jour son père l'informe, ma chérie tu es déjà promise. Laïla s'affirme, SOS ni pute ni soumise. Le ton monte, avec ses frères le dialogue dérape. Le père s'équipe d'une ceinture et Laïla goûte sa frappe. Un mois plus tard, on l'épouse sans lui faire la cour. Laïla mariée de force, par des cons sans cœur. La petite fille modèle, étranglée pour ses coutumes. Regarde autour de toi, cette histoire n'est que la routine. Les femmes sont maltraitées, mais t'inquiète cousine, la roue tourne. Un soir d'hiver, Laïla marche et pense au drame. Un jeune homme l'accoste et lui demande d'où viennent ses larmes. Le feeling passe, à cœur ouvert sa vie défile. Un ange blessé, dont le passé tient qu'à un fil. Devant un verre, sa pape et que ça continue. Laïla se cherche dans le regard de l'inconnu. Le petit ange hallucine, le jeune homme est à l'écoute. Le jour se lève, il accompagne sur la route. Laïla ravit et boit un espoir de guérison. Son cœur bat fort à la vue de sa maison. Laïla rentre et on la cogne jusqu'au crime. Son frère frappe fort, déshonoré par sa team. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le père se cache, déshonoré par sa tenue. Les yeux rouges de haine quand au cimetière il voit l'inconnu. Règlement de compte, les deux mettent les points sur les i. Tu as sali ma fille. Celle au parc pendant toute une nuit. Le jeune répond, je vous laisse dans vos rêves malsains. Complètement à la masse, transformé en assassin. Le jeune rentre, les yeux rivés vers le sol. Il pense à Laïla et des je t'aime s'envole vers le ciel. La fierté des coutumes a balafré un petit ange. Le poids des traditions a blessé une fille sage. Un soir d'hiver, j'ai croisé une jeune femme triste. Elle m'a raconté sa vie et j'en ai fait ce morceau. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus. Le poids des coutumes, la tradition a blessé Laïla. Un ange déchu face au démon quand le mal est là. Ni pute ni soumise, révoltée par son vécu. Laïla déçue, affronte sa vie les poignets tenus.